Il y a encore une différence entre le français et l'anglais dont je voudrais vous parler. Si vous voulez traduire, par exemple, « il avait une cigarette à la bouche et les mains dans les poches », en anglais, on ne va pas employer « the », mais un possessif. C'est-à-dire qu'on dira « il avait une cigarette dans sa bouche et ses mains dans ses poches ». Alors, comme il s'agit de la bouche, les mains et les poches de pantalon d'un homme, on va employer « his ». Alors, reprenons le début de la phrase. Si « cigarette » se dit tout simplement « cigarette », et le mot pour bouche est « mouth », M-O-U-T-H. Comment traduirez-vous « il avait une cigarette à la bouche » Et rappelez-vous qu'en anglais, on dira « dans sa bouche ». He had a cigarette in his mouth. He had a cigarette in his mouth, oui. Et les mains dans les poches? Alors, main se dit « hand », H-A-N-D, et poche se dit « pocket », P-O-C-K-E-T. And his hands in his pockets. And his hands in his pockets. Alors, est-ce que vous pourriez répéter la phrase en entier? Il avait une cigarette à la bouche et les mains dans les poches. He had a cigarette in his mouth and his hands in his pockets. He had a cigarette in his mouth and his hands in his pockets. Bien. Alors, vous aviez peut-être appris avec Michel Thomas le verbe to break. B-R-E-A-K, qui veut dire « casser », et sa forme au passé « broke », B-R-O-K-E. Alors, le mot « jambe » se traduit « leg », L-E-G. Comment direz-vous « la semaine dernière », « last week », « il s'est cassé la jambe » Alors, « watch out », car en anglais, on dira « il a cassé sa jambe ». Last week, he broke his leg. Last week, he broke his leg. OK. Et de la même manière, pour dire « elle est en train de se laver les mains » parce qu'elles sont sales, il vous faudra dire « elle est en train de laver ses mains », c'est-à-dire « She is washing her hands. » She is washing her hands. Donc ici, on emploie « her »,« her hands », parce qu'il s'agit d'une femme, parce qu'elles sont sales. Nous avions vu le mot « sale » avec toute une série d'autres petits mots en « y ». Alors, parce qu'elles sont sales? Because they are dirty. Because they are dirty. Dirty. She is washing her hands because they are, ou they're dirty.